cherchais à prier. Il faut croire que je m'attarde. Ou peut-être n'est-ce qu'un faux bruit? L'un de ces sales ragots, comme ils sont colportes, entre évier et latrine, à l'heure de la mise au baquet des repas, une fois de plus ingurgité. J'ai appris hier l'une des pratiques officielles les plus sensationnelles des écoles publiques américaines. Et qui font sans doute que ce pays se croit à la tête du progrès. Il paraît que parmi les examens ou épreuves que l'on fait subir à la première fois de l'école publique aurait lieu l'épreuve de la liqueur séminaire ou du sperme, et qui consisterait à demander à cet enfant nouvel entrant un peu de son sperme afin de l'insérer dans un bocal et de le tenir ainsi prêt à toutes les tentatives de fécondation artificielle qui pourrait ensuite être tentée. Car, de plus en plus, les Américains trouvent qu'ils manquent de bras et d'enfants. C'est-à-dire, non pas d'ouvriers, mais de soldats. Et ils veulent dans toute force, par tous les moyens possibles, faire et fabriquer des soldats. En vue de toutes les guerres planétaires pourraient ensuite avoir lieu. Et qui seraient destinés à démontrer par les vertus écrasantes de la force, la surexcellence des produits américains et des fruits de la sueur américaine sur tous les champs de l'activité et du dynamisme possible de la force. Parce qu'il faut produire, il faut, par tous les moyens de l'activité possible, remplacer la nature partout où elle peut être remplacée. Il faut trouver l'inertie même un champ majeur. Il faut que l'ouvrier ait de quoi s'employer. Il faut que des champs d'activité nouvelle soient créés. Et que ce soit le règne, enfin, de tous les faux produits fabriqués, de tous les ignobles ersatz synthétiques, où la belle nature vraie n'a que faire. Et toi, céder, une fois pour toutes, et honteusement, la place. Triomphaux produits de remplacement, le sperme de toutes les usines de fécondation artificielle aura enfin de quoi s'employer. Plus de fruits, plus d'arbres, plus de légumes, plus de plantes pharmaceutique ou non, et par conséquent, plus d'aliments. mais des produits de synthèse à satiété. Dans des vapeurs, dans des humeurs spéciales, de l'atmosphère, sur des axes particuliers, des atmosphères tirées de force et par synthèse, résistance, une nature de la guerre, et qui de la guerre n'a jamais connu que la peur. Et vive la guerre, n'est-ce pas? Puisque ce sang, c'est la guerre.